Eh bien, si vous êtes fan des Hobbits, vous serez heureux d'apprendre que Google se lance dans une nouvelle expérience virtuelle avec les Hobbits. Et Patrick Dion est avec nous pour en parler. Bonjour, Patrick. Salut, t'es-tu fan de Hobbit? Pas vraiment. Non, ben moi non plus. Je suis pas très excité par la nouvelle, mais écoute, il y a de grands fans des Hobbits, du Seigneur des Anneaux et tout ce qui en découle. Et là, c'est Google donc qui se lance dans cette expérience. Oui, ben c'est ça. T'as pas besoin d'être fan en fait pour aimer l'expérience. Non. C'est pour faire la promotion du film Le Hobbit, la désolation de Smaug. J'espère que je vais pas irriter les oreilles de fans de Tolkien, mais ça se peut que je massacre une couple de noms d'endroits. Ouais. Donc le film Le Hobbit, la désolation de Smaug qui arrive sur les écrans le 13 décembre prochain. Donc Google s'est associé avec Warner Brothers, New Line Cinema et MGM pour créer The Hobbit Experience, qui est une expérimentation Google Chrome en HTML5 qui n'a rien de petite Hobbit. OK, on va passer à d'autres choses. Donc, les Chrome Experiments... C'est un bel essai. On fait ce qu'on peut. Hein? C'est jeudi matin. Donc, les Chrome Experiments, en fait, c'est des sites avancés qui sont créés par Google avec les technologies web les plus récentes et qui fonctionnent sous le navigateur Chrome. On en recense quand même 750. C'est énorme. Tu te souviens peut-être du clip interactif Just a Reflector d'Arcade Fire qui était justement... qui permettait de contrôler le visage d'une femme avec son téléphone intelligent. C'était un Chrome Experiment. Tout comme The Wilderness d'antan, encore une fois d'Arcade Fire, mais qui a la particularité d'être le premier Chrome Experiment qui a été sorti en 2010. Donc cette fois-ci, Google nous convie à un voyage dans l'univers de Tolkien, à travers la Terre du Milieu, dans une aventure interactive où on peut explorer les lieux et interagir avec les personnages du film à l'aide de son ordinateur, mais aussi de son téléphone ou de sa tablette. Donc l'expérience est immersive, en met plein la vue, en met plein les oreilles, on a vraiment l'impression d'assister à un conte interactif en direct sur son ordinateur. C'est magnifique. Le site middleearth.thehobbit.com donc présente une carte où il est possible de visiter les différents lieux de la Terre du Milieu comme le Bosquet aux Trolls, Foncombe ou encore Erebor. Bon, je sais pas c'est où, mais en tout cas, c'est bien fait. Le site est disponible en français et en anglais et il y a même une narration qui est sous-titrée au besoin. Donc, c'est donc, vraiment... Donc, middle-earth.thehobbit.com. Voilà. Évidemment, tout ça va se retrouver sur notre page Facebook des Oranges Pressées. Oui. Un webdoc maintenant sur l'aéroport le plus achalandé au monde, celui de... Oui. Celui d'Atlanta. Je suis resté extrêmement surpris. Atlanta, qui est depuis 98 recensé comme étant l'aéroport le plus occupé du monde en nombre de passagers, avec 267 000 passagers quotidiens. Et depuis 2005, avec pas loin de 1 million de vols annuels. Hey, c'est beaucoup de vols, ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand on prend l'avion, on a tout le temps peur qu'on soit sur le vol qui va s'écraser. Mais non, il y en a 1 million à Atlanta et ça fait longtemps qu'il n'y en a pas un qui s'est écrasé. Mais bon, je ne parle pas de ça ce matin au niveau de l'écrasement, mais plutôt au niveau de ATL 24, qui est comme le code de l'aéroport de la ville d'Atlanta, le nom du web documentaire en question. Donc, le 28 août dernier, CNN a envoyé une trentaine de journalistes dans les coulisses du Hartsfield-Jackson International Airport à Atlanta pour y passer 24 heures. Puis en résulte un reportage multiplateforme. Ils ont fait un truc à la télévision en même temps avec du live tweeting. C'était vraiment superbe. Mais aussi un web documentaire qui est accessible au cnn.com/ATL24. J'aime depuis toujours les avions, mais depuis que j'ai vu ce webdoc-là, je suis un fan des aéroports. Et celui d'Atlanta fait pas exception parce que c'est vraiment une ville dans une ville. Il y a 58 000 travailleurs qui sont embauchés à l'aéroport. C'est trois fois plus que le nombre d'employés d'Hydro-Québec. Dans un seul aéroport. C'est vraiment hallucinant. Mais le webdoc en tant que tel, on y retrouve des photos, de la vidéo, des articles qui sont séparés chronologiquement ou par thème. Et on en apprend autant sur la sécurité de l'aéroport que sur l'itinérance dans l'aéroport, qui est quand même un point de vue super intéressant. Il y en a beaucoup. Ben écoute, c'est une ville. Chauffé, comme tu le disais, c'est une ville. Donc, voilà, et il n'y a personne qui t'empêche de rentrer dans un aéroport. Alors... quand même super intéressant, mais aussi sur c'est quoi la vie à bord d'un avion. Donc, c'est un web documentaire complet, super bien exécuté de CNN, et c'est facile de s'y perdre de longues heures, un peu comme tes valises en voyage. Oui, ça peut arriver. Et on termine avec un bon coup du journal Voir. Ben oui, on peut pas leur taper sur la tête à chaque semaine. Donc, cette semaine, je relève un bon coup qu'ils ont fait, et je ne parle pas du départ de Mathieu Bonnet, mais plutôt... il fallait que j'en parle, c'était plus fort que moi. Donc, plutôt en offrant aux productions de Londres une plateforme qui vise à amasser des fonds pour la maison de production qui s'est fait voler plusieurs centaines de milliers de dollars dernièrement par l'ex-président du RIM, on nommera pas de nom, ça me tentait, mais je le fais pas, mais qui est actuellement recherché pour fraude, entre autres au Maroc, parce qu'il a fraudé bon nombre d'artistes, des techniciens et autres individus impliqués dans l'industrie de la musique. Donc, c'est pas sans nous rappeler un petit peu la levée de fonds spectaculaire qu'il y a eu il y a une couple d'années pour Claude Robinson dans sa cause Condicinant. Mais en ce qui nous concerne ici, c'est plutôt l'auteur, compositeur, interprète Edgar Bory et son acolyte Cathy Bonnet qui ont repris les commandes de la maison de production avec l'intention de renflouer les coffres de l'entreprise qui, en moins de 4 mois, ont perdu 375 000 $ en dettes impayées, et ça principalement aux artistes et artisans. C'est encore une fois, c'est toujours les ceux qui le méritent moins qui payent. Donc, c'est avec l'objectif de rembourser tout ce beau monde que les Productions de Londres, en collaboration avec Le Voir, a mis sur pied cette campagne pour venir en aide aux artistes floués dans cette aventure. Donc, on peut aller faire un petit don... Une pièce, deux pièces, 100 pièces, ça vous tente, mais un petit quelque chose pour payer les artistes. Ouais. C'est énorme, incroyable. Tout à fait. Puis on s'entend que les artistes québécois n'ont pas nécessairement les poches très creuses, là, souvent. Là. La plupart des artistes vivent sous le seuil de la pauvreté, en effet. Là. Bon, voilà. C'est un bon coup du voir. Donc, tous les liens vont se retrouver sur notre page Facebook. Tout à fait, dans quelques instants. Ah, merci beaucoup, Patrick. Bonne semaine.